qu'est-ce qui peut unir l'homme et la femme? Tout le monde se pose la question de savoir qu'est-ce qui attire deux cœurs. Laila mituni yo mituni, yeah mituni ye. Kisata mituni binaba mituni, bangwaba mituni ye. Batonyo soba komituna, ninye kobenda ka bolingo. Batonyo soba komituna ka bolingo eloko ninyo. Nela mituni yo mituni, ye mituni ye. Isato mituni binoma mituni, bango ba mituni ye. Unir l'homme et la femme. Tout le monde se pose la question de savoir qu'est-ce qui attire de cœur. Nela mituni yo mituni, yeah mituni ye. Isato mituni binoma mituni, bango ba mituni ye. Batonyo soba komituna, minye kobenda kalulango. Batonyo soba komituna ka, bolingwe loko ninye. Nena mituni yo mituni, ye mituni ye. Isato mituni binoma mituni, bango ba mituni ye. Ah ah! L'amour n'a pas de corps.